Et jusqu'à 20h50, le coup d'envoi des Energy Music Awards, c'est DJ Assad et DJ Milouz qui squattent les platines. Les Energy Music Awards 2013. Alors on y est presque, à moins de 20 minutes avant le coup d'envoi des Energy Music Awards. Lionel sur les marches, est-ce que tout est en place? Bah oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Tantôt, les plus grandes stars de l'année sont ici sur Energy à Cannes. C'est la plus grosse cérémonie musicale européenne. On est super fiers de la partager avec vous. C'est vous les auditeurs dans toute la France qui avez voté pendant des semaines et des semaines pour vos stars préférées. Ce soir, on remet les trophées à partir de 20h50 sur Energy et TF1. Donc les plus grandes stars, c'est One Direction ce soir. C'est Shaim, Mylène Farmer, M Pokora, Carly Rae Jepsen, Tal. Il y aura Jennifer, Section d'Assaut, Taylor Swift, Alicia Keys, Amel Ben, Kinvey, on va se régaler. Et puis c'est Psy, faut le dire à l'américaine, c'est Psy, ils sont en train de s'installer parce que je crois que le générique démarre avec Psy. Ça c'est la petite surprise, c'est l'info exclue de la soirée. Le générique démarre avec Psy sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Voilà. Et ça commence à 20h50. Bonne cérémonie Lionel, merci beaucoup. Salut. À toutes.